et tous les petits sous qui m'a tué pour du vide. Le meilleur. On va voir, on va fumer. Mais oui. On va voir, on va fumer. Maintenant on va tout faire enculer. Jusqu'à 67 ans, on va falloir tous travailler. Ouais mec, tu peux soigner tes petits enfants et tout comme lui. C'était haché, c'était haché, mec, mec, c'était haché. C'est la dernière chanson du chapitre 2. Poilozeux. Jean-Claude. Hey, t'as pas un crack pour un DivX? Beat it with a stick! Beat it with a stick!